Le matin, il n'est pas rare de trouver une fine couche de buée sur les vitres de la voiture. En effet, l'humidité de l'air s'est condensée dans la nuit sous forme de gouttelettes sur les vitres, refroidies par la baisse de température. Par temps sec, laisser une vitre ouverte peut assécher l'air de l'habitacle. Normalement, avec la climatisation, la buée disparaît en moins de 30 secondes, et si ça n'est pas le cas, c'est qu'une révision de la clim est nécessaire. Essuyer avec la main n'est pas efficace et ça laisse des traces sur le pare-brise. Avec le chauffage et la ventilation, la buée disparaît assez vite, mais il ne faut pas éteindre le chauffage. La vapeur d'eau que vous dégagez se condense sur le pare-brise qui subit de plein fouet l'air extérieur. Réponse B.